Chapitre 3e, dans la tourmente. Terrés dans les profondeurs du sol comme des bêtes traquées, les hommes, pliés sur leurs cuisses, la tête collée au parapet, attendent avec angoisse la mort. La mort est partout. Elle apparaît sous ces visages pâles et décomposés qui bavent dans la boue sans jamais achever leurs gestes. On la voit dans ses yeux vitreux, qui ne regardent plus, dans ses doigts crispés, sous cette peau couleur de cire, dans ses plaies béantes, dans ses chairs lacérées, dans ses membres arrachés, dans ses viandes triturées avec de la poudre, de la terre et des débris de fer, et hachées comme pour un macabre pâté. On la trouve dans cette sape où 40 bauges sont enfermées. Au moment où nous passons, l'un d'eux sort la tête puis rentre aussitôt. Ce geste a dicté son arrêt de mort. Les Allemands qui ne se rendent pas sont dangereux pour notre troupe. Notre devoir est impérieux. On va démolir ce nid de vipères. Tirailleurs, lancez les grenades dans ce trou de serpent. Aussitôt, 10 bras se tendent, 10 grenades partent des mains, sifflent et plongent dans l'ouverture béante de l'abri. Une minute de silence poignant. Puis de fortes explosions ébranlent les parois du repère. Quelques pierres tombent. De vives lueurs éclairent le trou rempli d'épaisses fumées. Les grenades à gaz suffocant et les grenades incendiaires dégagent leurs produits mortels. Et dans le fond de la grotte se déroule sans un cri, sans un mot, sans un bruit apparent, l'horrible drame des 40 corps étouffés et brûlés. On a peine à imaginer l'angoisse de ces 40 hommes que l'épouvante presse, brutalement saisis à la gorge par la vapeur de soufre, tandis qu'en 1000 endroits, leur peau est brûlée par des flammèches de phosphore qui la rongent et la trouent sans arrêt, de façon rapide et inexorable, comme autant de chancres voraces. On ne pense pas sans frémir à ces ennemis que la terreur a poussés dans ce coin obscur où la mort la plus atroce les surprend, où l'affreux supplice les entasse pêle-mêle, les roule, les tord dans d'indicibles souffrances et les étouffe enfin, les étrangle peu à peu, comme si une griffe impitoyable plantait ses ongles progressivement dans leur gorge nue. Oui, c'est bien la mort qui jette ensuite dans ce funeste asile le silence définitif et fige ses chairs torturées dans l'attitude des dernières convulsions. C'est encore la mort ici, je la reconnais, sur cette face bauche qui mord dans la boue. Les deux mains portées en avant, la jambe droite pliée, la poitrine plaquée au sol, il est fixé dans l'attitude de l'homme qui trébuche. Il est comme tous les autres boches, blond à l'excès, bouffi, avec une tête toute ronde et très grosse. Quand on le compare au corps sec et nerveux des Français tombés près de lui, on a l'impression que ces gens-là ont des besoins animaux plus grands que nous, que leur vie végétative est plus forte et que leur ventre est gonflé d'un excès de bière et de saucisses. Mais celui-ci n'est plus un jeune, ses cheveux grisonnent, quelques rides plissent son front. Il a sans doute quelque part dans la froide Allemagne une femme et des enfants que la nouvelle de sa mort frappera au vif et qui pleureront indéfiniment. Ces soldats grossiers ont peut-être des épouses tendres et douces comme les nôtres. Mais que nous importe à nous son épouse et ses enfants? Cet homme est un numéro matricule, il porte l'uniforme gris avec les boutons à couronne impériale. Ce sont les pionniers d'une civilisation ennemie. Une haine tenace nous prend le cœur contre tous ceux de son espèce. Une joie sauvage et secrète nous réconforte à l'aspect de leurs cadavres. Un désir de meurtre, ardent, exclusif, nous saisit, nous possède aux heures du combat. Nous avons soif de leur sang. C'est une âpre jouissance et un besoin impérieux de tuer, d'abattre ces têtes rondes, de trouer leur ventre gonflé, de faucher leur rang de soldats, de repaître nos yeux de leur chair décomposée. Nous devenons semblables aux hyènes affamées, aux vampires. Que fais-tu, noir vautour de l'arrière, avec ton grand couteau? Tu tailles encore dans cette viande boche? Tu fais à ce cadavre l'amputation des deux cuisses? Ah, je comprends. C'est pour en retirer les belles bottes toutes neuves, en cuir ciré. Les pieds sont trop gonflés par le froid et les ecchymoses, pour que tu puisses les enlever simplement. Va, je ne te dirai rien. Continue ton œuvre de détrousser les morts. Je suis devenu inhumain comme toi. Je suis avide de leur destruction. J'ai soif de leur sang. C'est comme une ivresse qui me possède depuis le début du combat. Je suis ivre de sang et de mort. Dans ma tête, un mécanisme bizarre s'est déclenché. Mon être s'est transformé. Les instincts sont changés. le cours de mes pensées déviées ou même interrompues. Un être nouveau, inconnu jusqu'ici, fait en moi son apparition. C'est peut-être une résurrection de tous les instincts. C'est peut-être une mise au jour de tout un monde inconscient qui couve au fond de tout être et de toute race. L'ivresse du combat vous prend comme celle de la pythonisse sur son trépied sacré, comme celle des possédés. Le démon des massacres m'envahit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ma tête tourne, mes esprits sont égarés. Je suis ivre de sang et de mort. La mort. La mort donne une ivresse aussi, sans doute, comme le vin et comme l'amour, puisque je me sens enivré de la respirer, de la voir, autour de moi, partout. Mais elle devient bonne voisine. On s'habitue très vite à son côté, trop vite même. On n'accorde plus assez d'attention aux embûches qu'elle dresse sous vos pas, et l'on va de l'avant sans nécessité, comme des étourdis, en la bravant à chaque instant. Ainsi, nous allons avec mon ami le docteur Louarn sur les pentes du village d'Aï, tandis que le bruit des obus et le claquement des balles se font de plus en plus intenses. Bientôt, leur tourbe désordonnée devient si pressante que tous les combattants devant nous se cachent dans la terre. En cet endroit, point de tranchée. Un trou d'obus se présente, nous sautons dedans. Mais la protection qu'il offre est insuffisante. Il n'a pas une profondeur convenable. Les balles d'une mitrailleuse postée à l'est et qui prend nos rangs d'enfilade claquent en foule tout près de nos têtes. Loharn dit « À 2 mètres de nous, je vois un trou d'obus beaucoup plus profond. Il faut nous y rendre, l'un après l'autre, pour ne pas attirer le feu de l'ennemi. » Ce disant, il bondit sur le glacis. Je n'ai pas encore bougé de ma place lorsque j'entendis mon nom et je vis une main qui se levait pour me faire de pressants appels. Alors je traverse à mon tour le terre-plein pour sauter dans le trou d'obus voisin, plus profond. Un sous-lieutenant me crie « Loharn est blessé !» J'arrive au milieu d'un groupe de 7 à 8 personnes tassées dans le fond de cet entonnoir, et je vois mon ami étendu au milieu, la figure horriblement pâle. Mon cœur se serre très fort. Une angoisse indicible m'étreint la poitrine, et j'ai subitement l'impression que de grands malheurs fondent sur nous, que nous sommes tous emportés dans un effroyable cataclysme. Je me laisse aller sur le côté de mon ami. Je l'embrasse, en lui disant des paroles douces. « Tu es atteint, mon pauvre vieux. Ça ne sera rien, va. Comme tu es pâle, dis-moi, petit, est-ce que tu souffres? Où donc as-tu mal? Veux-tu me montrer ?» Alors il m'indique un tout petit trou bordé d'un liseré rouge sur la droite de sa capote. « Je crois, dit-il, que je suis sérieusement touché. Regarde ici. » Et dis-moi si c'est la poitrine qui a été traversée ou le ventre. La capote et la tunique sont vite déboutonnées. Un large coup de ciseau taille un volet dans le tricot tout humide de sang et met à nu un minuscule orifice sur l'une des dernières côtes par où s'échappe un sang tout noir. « Tu n'as rien à craindre, lui dis-je. La balle a passé dans la poitrine. » Je mentais. La balle avait creusé au travers du foie un sinistre tunnel qui drainait lentement le sang et la vie de mon ami. Triste et navrant spectacle auquel on assiste avec la certitude du dénouement redoutable, où la conscience de votre impuissance vous déchire le cœur et vous persécute sans cesse. Drame poignant, dont l'intrigue se déroule sous vos yeux, dans votre main, sans que l'on puisse y changer un fil. Heure sombre, où la mort vient, à pas lents et sûrs, faucher une jeune existence et de sa longue main sèche, osseuse, rapace, vous ravir brutalement un ami. Une puissance au monde pourra-t-elle arrêter cette main cruelle et garder cette vie qui s'échappe? Venez à moi, tous mes amis, prêtez-moi votre aide, donnez-moi votre force pour retenir ici l'âme de celui que j'aime. Ah, de grâce, empêchez ce visage de pâlir ainsi. Voyez comme il prend la couleur de la cire. Touchez comme sa peau devient froide. Posez votre main sur son cœur et sentez comme il a de la peine à battre. Oh, que cela me fait mal. Oh, brisez ses entraves, qui l'empêchent de respirer. Rompez cette longue étreinte qui l'oppresse, qui l'étouffe. Donnez de la vigueur à ce pouls qui faiblit. Ami, de grâce, qu'il ne parte pas, qu'il reste auprès de nous. Il est si jeune, et je l'aime tant. Écoutez, il parle. Donne-moi une piqûre de morphine, veux-tu? Je souffre tant. J'ai froid. J'ai froid. Couvre-moi encore davantage. J'ai froid. Tu sais, je crois que c'est fini. je dois avoir une hémorragie interne. » Il dit encore, « J'ai un vieux père là-bas, au fond de la Bretagne, qui m'aime beaucoup. Il ne vit que pour moi, quand il saura. Il aura un grand coup, le pauvre vieux. Tu lui écriras. Tu lui diras ce qui m'arrive, et que je pense à lui. J'ai mal dans le côté, très mal. Donne-moi de la morphine encore. J'ai froid. Toujours, je suis glacé. » Il murmure ces dernières paroles à mon oreille d'une voix faible. Les sept témoins muets de cette tragique scène, au fond de l'entonnoir, observent un religieux silence. Leur émotion est coupée toutes les minutes par les secousses que nous donnent les explosions. En effet, l'intensité du bombardement tient à ce moment son maximum. Le trou est encadré par les obus qui battent le parapet et nous couvrent de terre. Et même une marmite le prend par le dessous, nous fait trembler horriblement, et vient soulever la terre sous le corps du sous-lieutenant, mon voisin. Par un étrange hasard, elle n'a point éclaté. Et toujours, au-dessus de nos têtes, le claquement des balles de la mitrailleuse placée sur notre flanc, à droite, la mitrailleuse meurtrière qui a jeté en bas, à elle seule, la moitié d'un bataillon. Et mon ami Louarn. Ah, il peut être content de son œuvre, le boche satanique, qui manœuvre le terrible engin. Il l'a bien tué. Il doit avoir la ténacité d'un jeune et l'oiseau d'un oiseau de proie. Ce monstre avide de meurtre crache la mort sans répit sur tout le plateau, où rien n'apparaît, où nul homme ne vit, où pas une tête ne se lève sans qu'il ne leur jette une pluie de balles. Bauche ventru, bauche à grosse tête, sinistre hibou qui chante la mort, vieux cuistre à lunettes qui observe le champ de bataille comme celui d'un microscope, grosse brute penchée sur ta machine comme sur la charrue, et la manœuvrant avec la même méthode et la même constance, labourant le champ de bataille ainsi qu'un champ de blé. Faucheur d'hommes, noir suppôt des forces de destruction, vil démolisseur, assassin, je te hais. Ils te haïssent aussi, ces admirables brancardiers qui emportent à l'ambulance le corps de mon ami. Ils te haïssent et te méprisent parce que malgré tes efforts, tu ne parviens pas à loger une balle dans l'épaisseur de leur corps. Et glorieux du danger couru, glissant sur les pentes boueuses, arrachant leurs jambes de la vase qui les colle, ils arrivent au boyau protecteur en trébuchant à chaque pas comme des hommes ivres. Ce boyau est la seule voie de communication entre nos tranchées. Les Boches l'appelaient boyau de Rudolstadt. Les bombardements successifs l'ont à moitié comblé. Ils dessinent quelques détours sur le plateau, mais sur la pente nord, ils courent en droite ligne vers le bas parfaitement ouvert aux mitrailleuses Boches placées de face. C'est là que s'accumulent les cadavres rangés tout le long, comme s'ils gardaient encore la tranchée. C'est l'illusion que l'on a lorsqu'on avance dans ce boyau en marchant sur le moelleux tapis bleu que ces cadavres forment dans le fond. On les croit endormis, on s'emporte contre l'inertie des Sénégalais, on les secoue, on les découvre, puis l'on voit un petit trou au milieu du front, un peu d'écume rose au coin de la lèvre, une tache rouge sur la capote. C'est par là que s'est échappée l'âme fruste de ces braves qui ne sont pleurés par personne. Car là-bas, tout au loin, sur la brûlante Afrique, la femme qu'ils ont laissée continue à manger gloutonnement la calebasse de mille préparée. Parfois, cependant, au milieu de ces corps entassés, le pied heurte des êtres vivants, que l'on reconnaît aux faibles gémissements qu'ils exhalent. Car leur attitude est semblable à celle de leurs frères défunts. Ils sont étendus ou accroupis contre le parapet, enlisés dans la boue jusqu'aux genoux, immobiles et transis de froid. Leurs mains gonflées par la gelée délaissent le fusil et tendent par-dessus leur corps une toile de couleur jaunâtre sous laquelle ils paraissent ensevelis. Et domptés par une force supérieure, résignés à la fatalité, dans cette pose d'anéantissement complet, ils attendent passivement que la mort vienne les prendre. D'autres sont tombés assis, accroupis, penchés sur le côté ou dans un entrelacement bizarre des membres. Certains sont posés sur la tête et les mains comme s'ils allaient faire une cabriole. Quelques-uns mordent à belles dents dans la terre, comme s'ils voulaient se venger de sa cruauté. Car elle leur est cruelle, cette terre qu'ils arrosent de leur sang. Depuis longtemps déjà, ils avaient entendu son nom, lorsqu'un jour ils reçurent mission de la défendre. Ils savaient combien ce rôle est difficile et dangereux. Et ce n'est point sans trouble qu'ils ont quitté leur village, leur case, leurs parents, et le milieu intime dans lequel ils avaient été toute leur vie plongés. Mais ils n'avaient jamais pensé qu'elle aurait pu être aussi dure, aussi avide de leur sang. Et de toutes parts, la mort les assaille. L'un d'eux tombe en parlant, la bouche ayant reçu la balle, à la manière de ces grosses figurines en carton joyeuses ou grimaçantes qui servent de jeu aux enfants et abalent des boules. Plusieurs sont broyés au fond d'un trou par une marmite qui les surprend. Les membres sont arrachés et projetés au loin, ces chairs déchiquetées, les ventres crevés, et il ne reste que des débris. Et les tirailleurs voisins de ce lugubre charnier se poussent un peu plus loin et se serrent les uns contre les autres avec des yeux agrandis par l'épouvante. Soudain, près de ce même endroit, un projectile de fort calibre s'abat de nouveau au milieu d'une grappe humaine en projetant violemment dans les airs des masses de terre et de viande. Pour lors, j'ai eu avec une grande netteté l'horrible vision que je compte. Une colonne vertébrale tout entière libérée des chairs par l'explosion est sortie du corps comme une épée de son fourreau. Elle suspendait à la tête et se balançait au-dessous d'elle, sanglante breloque. Elle s'éleva rapidement, poussée de bas en haut, évolua plusieurs fois dans les airs et tomba ensuite sur le sol avec un bruit mat. J'aurai toute ma vie gravé dans mon esprit le souvenir de ce spectre qui dansa devant mes yeux ce bond macabre. Je verrai toujours ce visage d'une pâleur livide, crispé dans la contraction dernière, maculé de boue et strié de rouge avec des yeux qui semblaient regarder encore et traduire une indicible souffrance. Je verrai toujours ce tronçon humain à forme de têtard, ce fantôme blanchâtre et dégoûtant de sang, s'élever vers le ciel comme un holocauste, comme hostie expiatoire vers ce Dieu qui permet des malheurs aussi grands. Et lorsque, parfois, je ferme les yeux pour remuer plus à l'aise mes vieux souvenirs et que l'image de cette scène atroce passe encore devant moi, un long frisson d'horreur me secoue jusque dans les moelles.